peine manger mes clairettes, mais dois-je mourir de chagrin quand peut-être une autre coquette peut me venger de son hymen? Ce billet parlant à mon âme d'un style qui n'est pas commun, pour trahir une noble dame, exhale le plus doux parfum. Certainement j'ai mes clairettes, et certes je n'ai pas changé, certainement je la regrette, mais une autre m'a protégé. Cela prouve qu'elle est puissante, or sans beauté pas de pouvoir. Conclusion, elle est charmante, à que je brûle de la voir. Certainement j'ai mes clairettes, mais elle se marie, hélas. Faut-il qu'un scrupule m'arrête quand elle même n'en a pas? Et puis, inconnue peut-être, ont pour nous un charme divin. Et l'inconnue pour le connaître, au rendez-vous j'irai demain, au rendez-vous j'irai demain. Sans renoncer à clairette, à sa conquête qui me plaît. Et nous verrons lorsque clairette sera madame pomponnet. Oui, nous verrons lorsque clairette sera madame pomponnet. Alors tu as bien compris, Babet? Veille sur nous. Mais mademoiselle Clairette, vous n'y pensez pas? Tiens-toi sous les piliers là-bas, et si tu les vois revenir, accours vite. Oh, le jour de son mariage. Eh bien, monsieur Pitou, vous ne me faites pas compliment de ma toilette? Ah, elle est forte, celle-là. À propos, je la sais, votre chanson. Ma chanson? Oui, la nouvelle, celle que vous m'avez donnée il y a 3 jours. Oh, elle est bien méchante. Il s'agit bien. Comment, Clairette? C'est quand je vous vois sous ce costume de mariée. Ah oui, je comprends. Vous n'aimez pas ce costume-là. Ah, vous parlez franchement? Le fait est que je devrais être mariée à l'heure qu'il est. Mariée? Mais j'ai trouvé un moyen de retarder la cérémonie. Elle est retardée? Malheureusement, mon moyen n'a qu'à moitié réussi. Alors? Alors, il faut en chercher un autre. Cherchons ensemble. Je vais bien.